إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. C'est notre septième cours autour de ces questions-réponses sur le manhaj de Cheikh Obaid, hafidhahullah ta'ala. Et nous sommes avec la quinzième question qui dit « Jazakumullahu khayran wa ahsallahu ilaykum fadilat al-shaykh. Hada sa'ilun yas'al wa yaqul. Kayfa yatimmu al-jam'u bayna al-i'tidhari al-mukhti wa al-tahdhiri min al-khata wa al-hada la yu'tabaru min manhaj al-muwazana. » Nous sommes à la quinzième question qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et imminence, imminent cheikh, c'est une question qui dit comment on peut réunir entre le fait de trouver des excuses à celui qui est tombé dans l'erreur et d'avertir contre l'erreur. Et est-ce que ceci est considéré comme le muazanat? Muazanat, c'est le fait, cette règle innovée qui veut que quand on cite les innovations, les erreurs des innovateurs, qu'on cite aussi leur bon côté. يقول حفظه الله سؤالكم هذا يتضمن ثلاثة مباحث لأنه يتألف من ثلاث فقرات. Il dit حفظه الله تعالى votre question contient trois points qu'il faut rechercher. Sinon il contient trois paragraphes. يقول المبحث الأول في الخطأ، فإن الخطأ الذي قام الدليل على أنه خطأ، وسواء كان الدليل آية من تنزيل ربنا أو حديثا صحيحا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو مردود عند أهل السنة وليس مقبولا عندهم، يردونه على قائله بالدليل وبالأسلوب العلمي الذي يستكشف به السامع أو القارئ أن ذلك الذي انتشر وذاع وشاع خطأ مخالفة للصواب. Il dit le premier point c'est il concerne l'erreur. Le premier point il concerne l'erreur. L'erreur quand la preuve est accomplie sur quelque chose que c'est une erreur. Que la preuve soit un verset du Coran, descendu de notre souverain Azzawajal, ou que ce soit un hadith authentique de notre prophète alayhi salam, donc cette erreur pour laquelle la preuve a été accomplie, il est rejeté chez les gens de la Sunna. Et il n'est pas accepté chez eux. Et il la rejette à celui qui l'a dite, avec preuve. Mais bien sûr, dit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il la rejette avec le style scientifique. Et avec une façon scientifique qui va permettre à celui qui entend ou celui qui lit que cette chose qui s'est propagée est une erreur et qui est contraire à la vérité. يقول كما أن الرد يجب أن يشتمل على تجلية الحق وكيف خالق تلك المخالفة الصواب. Il dit aussi, حفظه الله, et la réplique doit contenir un éclaircissement de la vérité, un éclaircissement sur la vérité, et comment cette erreur, le point de divergence de cette erreur avec la vérité. يقول فالراد السني يرد بعلم وبفقه فرده مدعم بالأدلة التي تكشف عن الحق وتدعو إليه وتكشف عن الباطل وتحذر منه وهذا هو الذي تواتر به النقل عن السلف الصالح الذين استنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهدي خلفائه الراشدين من بعده، فالنقل عندهم بذلك متواتر. الذي حفظه الله تعالى celui qui réplique parmi les gens de la sunna, il réplique avec science et avec jurisprudence. Et sa réplique, il est renforcé avec les preuves qui éclairent sur la vérité et qui appellent vers la vérité et qui dévoilent le faux et qui avertit contre le faux. Il dit, c'est ce qui nous a été rapporté par plusieurs voies de nos plusieurs d'Allah alayhim qui ont pris la sunna du messager alayhi sallatu wassalam et qui étaient sur la voie du messager alayhi sallatu wassalam ainsi que la voie de Sheikh Ali bien guidé après lui. Ils disent qu'il nous a été transmis d'eux et nombreux. يقول على سبيل المثال أذكر أثرا واحدا في أمر يراه بعض الناس صغيرا. أخرج البخاري رحمه الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى غلاما له يخذف بالحصى فقال لا تفعل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ويقول إنها لا تنكأ عدوا ولا تقتل صيدا ولكن تفقأ العين وتكسر السن. فعاد الغلام فعاد له فعاد فعاد له، ثم قال له في الثالثة أو الرابعة لا أكلمك أبدا، أقول لك قال رسول الله وتفعل. واليوم قومنا يريدون أن يأتوا بدعا كأمثال الجبال هذه إلى جانبها إلى جانبها صغيرة، ما هي شيء؟ خذف بالحصى، خلي يخذف. لا، ما يقول خلي يخذف، يلطفون للأئمة في المبتدعة وطوام في البدع. هذا هو المبحث الأول. Il dit, et je vous donne comme exemple un seul hadith qui concerne une situation que certaines personnes voient que c'est un petit acte, c'est rien du tout. L'imam Bukhari rahimahullah rapporte d'Abdullah ibn al-Mughaffal radiyallahu anhu warda, il a vu un de ses serviteurs qui lance des pierres. Il lui a dit ne le fais pas, dit, ne lance pas de pierres. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interdire le fait de lancer des pierres et de dire, c'est-à-dire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que le fait de lancer des pierres ne tuera pas l'ennemi, ni il ne tuera le, ni il fera du mal, il ne fera pas de mal à l'ennemi, ni il tuera le gibier, mais tout simplement il va éclater l'œil ou il va casser une dent ou va casser les dents. Et ce serviteur a recommencé. Ibn al-Mughaffal lui a rappelé une deuxième fois, le jeune a recommencé, Ibn al-Mughaffal lui a rappelé une deuxième, une troisième, une quatrième fois, et à la quatrième il lui a dit, je ne te parle plus, je te dis, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam m'a dit de ne pas faire et toi tu fais, je ne te parle plus. Et il dit, hafidhahullah ta'ala en commentaire, et aujourd'hui, ceux qui nous entourent, notre peuple, veulent de nous, veulent ramener des innovations qui sont l'exemple des montagnes. À côté du fait de lancer les pierres, c'est rien du tout. Ils ramènent des innovations qui sont du domaine, qui sont grandes comme les montagnes. Ils veulent, ils adoucissent la situation de ces innovations, des innovateurs devant les grands imams de la mosquée, devant de grands les imams de la communauté. Et ils radoucissent devant les grands imams de la communauté ce déluge d'innovation. Il a dit ça, c'est la première recherche. يقول المبحث الثاني في المخطئ من هو. نحن موقنون أن من خالف سنة المخطئ موقنون هذا. فلان أخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء صلاته ارجع ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ألم ينبئه إلى أنه أخطأ في صلاته؟ فما قولكم؟ أجيبوا يا حاضرون، ألم ينبئ على خطئه في صلاته؟ ثلاث مرات وهو يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، والرجل يفعل. ثم قال بعد ذلك: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه. الحديث معروف مشهور، حتى أطفالنا في الصفوف الابتدائية الأولى يعرفونه ولله الحمد. هنا نقول كيف نتعامل مع المخطئ، فتنبهوا، هذا هو محل التفصيل في هذا المبحث. Il dit, Habdallah Ta'ala, le deuxième point de recherche dans votre question, il concerne celui qui tombe dans l'erreur. Celui qui tombe dans l'erreur, qui sait ? Il dit, nous avons la certitude que tout un chacun qui est en divergence avec la sunnah est tombé dans l'erreur. Nous avons la certitude, telle personne a fait une erreur. Il dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'homme qui a fait mal sa prière, retourne prier car tu n'as pas prié. Et, cher de nous poser la question, est-ce qu'il n'a pas attiré son intention sur l'erreur, comme quoi il a mal fait sa prière et qu'il avait des erreurs dans sa prière? Il dit, qu'est-ce que vous dites? Répondez-vous qui êtes présent. Est-ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas attiré l'intention de cette personne, hein, n'a pas attiré l'attention des erreurs, attiré l'attention de cette personne sur ses erreurs dans la prière? Trois fois. Il lui dit, retourne prier, car tu n'as pas prié. Et trois fois l'homme retourne prier. Et après ça, il dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui t'a envoyé avec la vérité comme prophète, je ne sais faire que ça, apprends-moi. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a appris. Ce hadith, il est connu, il est réputé, et cher de nous dire, même nos enfants, dans les écoles primaires, aux premières classes de l'école primaire, le connaissent. Il est longi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans ces cas-là, je dis, comment se comporter avec celui qui est tombé dans l'erreur? Il dit, faites attention maintenant, c'est là où il y a le détail de cette recherche, il est là. Comment se comporter avec celui qui a fait une erreur? يقول حفظه الله أقول المخطئ على ضربين وإن شئت فقل لا يخلو من حالين. Il dit, celui qui est tombé dans l'erreur, il est, hein? Ceux qui tombent dans l'erreur sont de deux sortes. Ou si tu veux, celui qui tombe dans l'erreur, il n'est pas épargné, il ne peut être que dans deux situations. Yaqoul, imma an yakuna sahiba sunnatin zallat bihi al-qadam. Arad al-haq, lakinnahu lam yuwaffaq. Fahada awwalan يرد الخطأ لما تقرر آنفا ووعيتموه أن الخطأ لا يقبل عند أهل السنة. وأزيد هنا لأن المقصود تصفية التدين وتخليصه من شوائب البدع وشوائب الخطيئات وإن كانت صغائر. Il dit حفظه الله تعالى, donc celui qui tombe dans l'erreur, il est dans deux situations. Soit c'est un homme de la sunna, il a glissé, il est tombé dans l'erreur. Il voulait la vérité, mais il n'est pas arrivé à cette vérité. Il dit, premièrement, celui-là, on rejette l'erreur, parce qu'il a été confirmé auparavant, et que vous avez compris. On rejette l'erreur, car l'erreur n'est pas acceptée chez les gens de la sunna. Il dit, mais ici, je vous rajoute quelque chose, car le but, c'est de purifier la religion, et se rendre la religion pure, et nettoyer de toute forme d'innovation et de toute forme d'erreur et de toute forme de péché, même des petits péchés, il faut la nettoyer. Hada premièrement. Wa taniyan la yutaba'u ala zallati bihujjati annahu 'alim kana mujtahidan taliban lilhaq fala yubarrir laka ijtihaduhu wa sabquhu في الفضل وجلالة قدره وإمامته في الدين أنه مجتهد قال الحق فأنت تتابعه ما دمت عرفت أنه أخطأ فإنك أنت حال معرفتك خطأه ومخالفته للحق آثم إذا تابعته أما هو ما دام مجتهدا طالبا للحق فإن خطأه مغفور وهو مأجور على اجتهاده قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. Il dit, Habidallahu Ta'ala, deuxièmement, cet homme de la sunna qui a fait l'erreur, on ne le suit pas. dans son erreur. Ce n'est pas parce qu'il est un homme de science qui est digne de l'effort de l'interprétation, qui a fait un effort d'interprétation pour chercher la vérité. Ça, ce n'est pas une excuse pour le suivre dans son erreur. Malgré le degré de science qu'il a, malgré les vertus qu'il a, malgré qu'il a la place qu'il a dans la religion, et l'imam qu'il a dans la religion, c'est pas parce que il est digne de l'effort d'interprétation que tu dois le suivre dans l'erreur. Car si tu le suis dans l'erreur, en sachant que c'est une erreur, dans la situation où tu sais que ça c'est une erreur et que c'est contraire à la vérité, tu es dans le péché si tu le suis. Quant à lui, cet imam ou cet homme de science qui a fait cet effort pour chercher la vérité, mais il n'est pas arrivé à la vérité, et lui, il sera pardonné et il aura une récompense pour son effort d'interprétation parce qu'il est digne de l'effort de l'interprétation. Conformément à cette preuve que nous donne Cheikh ici, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le hakim, ici ça suppose aussi l'homme de science, a fait un effort d'interprétation et il est tombé dans la vérité, il est arrivé à la vérité dans son effort d'interprétation, ben il aura deux récompenses. Mais si après son effort d'interprétation il est tombé dans l'erreur, il aura une seule récompense parce qu'il est digne de l'effort de l'interprétation. Hein? يقول الشيخ حفظه الله أنت متعبد بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة متعبد به لأنه حق ولست متعبدا باجتهاد أحد فاجتهادات أهل العلم والأئمة ليست بمعصومة ولهذا لا يجوز أن تتخذ منهجا وهذا هو الذي يعتذر له وهذا هو الثالث إيه الذي حفظه الله تعالى كاختوى. Il t'est demandé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec des choses sur lesquelles il y a des preuves du livre d'Allah et de la sunna. Hein? Car ça c'est la vérité. Donc il t'est demandé de le prendre comme acte d'adoration. Et il t'a pas été demandé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par les efforts d'interprétation de quelqu'un. Car les interprétations des hommes de science et des imams n'est pas épargné de l'erreur. C'est pour ça qu'il n'est pas permis de la prendre comme voie. Et il dit, ça, c'est celui pour lequel on cherche des excuses. C'est-à-dire, pour qui on cherche des excuses? Pour cet imam, digne du nom, cet homme de science, qui est digne de l'effort de l'interprétation, qui a fait l'effort d'interprétation et qui n'a pas touché la vérité. Celui-là, on lui cherche des excuses. هذا هو الذي يعتبر له. وهذا هو الثالث. يقول ثالثا يعتذر له ولا يشنع عليه ولا يثرب عليه ولا ينفر منه لما هو متقرر عند أهل السنة من جلالة قدره وسابقه في الفضل والإمامة في الدين. Il dit troisièmement, cette personne, cet homme de science qui a émis un effort d'interprétation, qui n'a pas touché la vérité, bah, on ne le critique pas. Et on n'éloigne pas les gens de lui, car ce qui est confirmé, c'est les gens de la sunna, c'est qu'ils lui reconnaissent son honneur, sa place, son imamat dans la religion, et le fait qu'il les devance dans la science, etc. Ils lui cherchent des excuses. Hein? Mais ils ne le critiquent pas, ils ne le salient pas, ils lui gardent ses honneurs et sa place, qui lui est digne. يقول ولهذا يقرر الأئمة فيما يقررون أنه لو كل مخطئ شنع عليه ما بقي أحد ويعنون بهذا من عرفوا بأنهم أهل سنة فأصولهم على السنة وكم من عالم يخطئ خطأ فاحشا في الاعتقاد في العبادات العملية في المعاملات ومع هذا عرفنا المنصفين والأئمة يردون خطأهم مع حفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم. Un passage qui est très important ici. Il dit, c'est pour ça que les imams de la science confirment que si on parle mal de tout un chacun qui est tombé dans l'erreur ou qu'on le met de côté, il ne restera plus personne. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Pour que, hein, tu n'aies pas d'ambiguïté dans la tête. Ça ne concerne pas les innovateurs, les Qutbis, les Tablighs ou quoi que ce soit. Ou les Mumayyi'a et tout ça. Ça ne les concerne pas. Cheikh, il nous dit, ça concerne ceux qui sont connus pour la sunna, dont les fondements, ce sont des fondements de la sunna. Il dit combien d'hommes de science sont tombés dans des grandes erreurs, que ce soit dans les croyances, que ce soit dans les adorations au niveau des actes, que ce soit dans les transactions ou dans le comportement. Et il a dit, malgré tout ça, nous avons connu et nous avons su de ceux qui sont équitables et des imams et des grands imams, comme quoi ils ne répliquent leurs erreurs tout en protégeant leur honneur et tout en les préservant. Ils rejettent l'erreur, mais ils préservent leur honneur parce que ce sont des hommes de science dignes du nom. Et ceci n'est pas dû à l'innovateur à l'islam. Abadan. يقول على سبيل المثال ابن قدام المقدسي صاحب لمعة الاعتقاد قال في مواطن بالتفويض في نصوص الصفات فرد عليه سماحة الإمام شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ردا قويا جلى فيه الحق مع حفظه كرامة ابن قدام رحمه الله الجميع. Il dit, donne comme exemple, Ibn Qudam al-Maqdisi, celui qui a écrit le Ma'at l'I'tiqad, rahimahullah ta'ala, dit, dans certains passages, dans le Ma'at l'I'tiqad, il a aimé comme quoi il faut déléguer les textes et les paroles qui concernent les attributs. Son éminence, l'imam, Cheikh Mohamed ibn Ibrahim, rahmatullah alayhi, lui a répliqué une réplique très forte, dans laquelle il est clair sur la vérité, tout en préservant l'honneur d'Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala. Et que Allah subhanahu wa ta'ala les comble de sa sainte miséricorde de tous. يقول المبحث الثالث هل هذا من الموازنات أو التفريق بينه وبين الموازنات. Il dit le troisième sujet dans votre question, est-ce que ça fait partie de l'muazanat ou ça, il faut faire la différence entre ça et l'muazanat. يقول أولا اعلموا أن لفظ الموازنات محدث وأنا والله حتى الساعة لا أعلم إماما قال به بل الأمر عندهم كما حكيت لكم إن شاء الله وأرجو أني وفيت يردون الخطأ على قائله ويفرقون بينه وبين المبتدع فهو محدث. إيه il dit حفظه الله تعالى, premièrement sachez que l'expression الموازنات être équitable, c'est un terme qui est innové. Il dit, par Allah, jusqu'à maintenant, je ne connais pas un imam qui a utilisé le mouazanat. Il dit, la situation chez les imams, c'est comme ce que je vous ai dit, Inch'Allah. Et j'espère que j'ai éclairé sur le sujet, que je vous ai éclairé sur le sujet. Il dit, il réplique l'erreur à celui qui l'a dite. Ils font la différence entre l'innovateur et celui qui ne l'est pas. Et le terme l'ouazanat, il est innové. Les imams de la sunna répliquent les erreurs à celui qui l'a dit ou qui l'a faite. Ils font la différence entre le sunni et l'innovateur. Et le terme l'ouazanat, il est innové. C'est un terme innové. يقول وتانيا الموازنات من أحدثها أحدثها الحركيون وهي. Et deuxièmement, il dit l'ouazanat, qui l'a fait exister ce terme? Qui l'a innové? Ce sont les activistes qui l'ont fait exister. وهي عندهم أنه لا يرد على مبتدع بدعته حتى تذكر حسناته إلى جانب سيئاته المرضوضة. Et pour eux, pour ces activistes, c'est que on réplique pas un innovateur concernant son innovation avant d'avoir cité ses bons côtés. À côté de ses mauvais côtés, il faut citer ses bons côtés. ومرادهم من ذلك التشويش من جهة على الناس فإن أكثر الناس لا يدركون ومن جهة أخرى يريدون تلطيف حال هذا الإنسان الذي شهرت بدعته واشتهر بها. Qu'est-ce qu'ils veulent par ceci? Perturber les gens d'un côté, car beaucoup de gens ne comprennent pas. Et d'autre part, ils veulent radoucir la situation de cet homme qui est réputé, qui a été connu par cette innovation. Et qui est connu par cette innovation, ils veulent radoucir cette situation et embellir cette situation et minimiser pour que les gens ne fuient pas de lui. Et en même temps, ils ramènent la perturbation dans l'esprit des gens. Combien de tu les entends? Mais quand même, Pourquoi vous agissez avec? Il a des efforts dans le da'wah. Ça fait combien d'années qu'il fait le da'wah? Ça fait combien de livres qu'il a traduit? Ça fait. Ya akhi. Et alors? Hein? La vérité, prendre surtout. La personne a beau faire, mais s'il se conforme plus à la vérité, plus à la voix du puiseur d'Allah, il n'a aucun honneur. C'est fini. Quand il monte sa tête, il monte sa raison, c'est fini. Il n'y a plus rien. Car c'est une religion, ce n'est pas un jeu. يقول الشيخ وتمت أمر الرابع وكان من المفترض أن يكون في المبحث الثاني يقول عرفنا آنفا أن أهل السنة يوقرون المخطئ من أهل السنة ولا يتابعونه على زلته ويجب أن تعلموا أنهم يفرقون بين المخطئة عرفتم معاملتهم لمخطئات أهل السنة فما معاملتهم لمن كان على بدعة وهو الصنف الثاني من المخطئة وهذا هو الذي عرف الحق وبان له ثم خالفه عنادا وإباء واستكبارا عنهم فهذا لا كرامة له عندهم مبتدع ضال يحذرونه ويحذرون منه ويجرونه Il dit, حفظه الله تعالى, il y a un quatrième point. Il a dit, normalement, il devait être traité dans le deuxième point de recherche. Il dit, nous avons connu auparavant que les gens de la Sunna respectent celui qui est tombé dans l'erreur parmi les gens de la Sunna. Ils lui gardent ses honneurs. Ils ne le suivent pas dans son erreur. Et il faut que vous sachiez qu'ils font la différence entre ceux qui tombent dans l'erreur. Vous avez su comment ils doivent se comporter avec ceux qui sont tombés dans l'erreur parmi les gens de la Sunna. Donc maintenant, c'est quoi leur comportement vis-à-vis de quelqu'un qui est dans l'innovation? Et c'est la deuxième catégorie parmi ceux qui sont tombés dans l'erreur. Et celui qui est dans l'innovation, c'est celui, pour il dit cher, c'est celui qui connaît la vérité. Et il sait que ça c'est la vérité, mais il s'entête par orgueil, il refuse la vérité. Et ils s'entêtent devant les gens de la Sunna. Il a dit, celui-là, il n'a aucun honneur pour eux. Celui-là est un innovateur égaré. Ils font attention à lui. Et ils avertissent contre lui. Et ils le mettent à la quarantaine et s'éloignent de lui. يقول الشيخ لكن متى يهجرونه ومتى يحذرون منه et الشيخ il dit mais maintenant quand est-ce qu'ils vont le mettre à la quarantaine et s'éloigner de lui et ne plus lui donner d'importance et quand est-ce qu'ils vont avertir contre lui يقول إذا قوي سلطانهم ورجحت كفتهم وكانت شوكتهم قوية على أهل البدع il dit donc ils vont le mettre à la quarantaine vont avertir contre lui quand ils sont en force et qu'ils ont de la force sur les gens de l'innovation. En ces cas-là, aucun honneur, ils vont les mettre à la quarantaine, ils vont avertir contre eux. يقول اما في حال ضعفهم وقوه شوكه المبتدعه ورجحان كفتهم وبص سلطانهم فانهم يكتفون برد الخطا. Il dit mais quand, c'est-à-dire les gens de la sunna sont en faiblesse et que le pouvoir et la force est du genre de l'innovation et qu'ils ont le pouvoir, dans ces cas-là, les gens de la sunna vont se suffire du fait de répliquer à l'erreur et de montrer l'erreur et de répliquer à l'erreur. يقول ولهذا يجب ان تعلموا ان اهل السنه وسط. Il dit c'est pour ça que vous sachiez qu'il est obligatoire que vous sachiez que les gens de la sunna sont dans un juste milieu. فهم اولا لا يقبلون الخطا وثانيا يفرقون بين المخطئه. Il dit premièrement ils n'acceptent pas l'erreur. Deuxièmement, ils font la différence entre ceux qui tombent dans l'erreur, l'innovateur et l'homme de la sunna. Hein? Ils font la différence entre les deux et le comportement, et ils utilisent le comportement adéquat avec les uns et les autres. يقول وثالثا أنهم يستعملون الشدة حيث تكون الشدة نافعة و ومن الهجر والتحذير من أئمتهم، ويستعملون الرفق حيث لا ينفع إلا الرفق، فهم ليسوا على الرفق مطلقا في كل زمان ومكان من غير مراعاة للحال، وليسوا على الشدة مطلقا في كل زمان ومكان من غير مراعاة للحال، هم أهل حكمة وأهل بصيرة، فالشدة عندهم في موضعها والرفق عندهم في موضعه. Troisièmement, ils utilisent la fermeté et le fait d'être dur au moment où ceci va être bénéfique. Et fait partie de cette fermeté et de cette force, le fait de mettre à la quarantaine, de délaisser les uns et d'avertir contre les imams de l'égarement de l'innovation. Et ils utilisent aussi la douceur quand la douceur va être bénéfique. Donc, ils ne sont pas dans le fait d'utiliser la douceur hein, en tout lieu, tout et en tout temps, dans le sens large du terme, sans prendre en considération les situations. Ils ne sont pas en train d'utiliser la dureté et la fermeté en tout lieu, en tout temps, sans prendre en compte les situations. Hein? Et dans le sens large du terme, non. Ils sont des gens de la hikma. Ils mettent les choses là où il faut le mettre. Là où il faut la fermeté et la dureté, ils sont durs. Là où il faut la douceur, ils le sont. Ce sont des gens de la hikma. Et ce sont des gens de la science et de la clairvoyance. Et la fermeté et la dureté, ils l'utilisent là où il le faut. La douceur hein, et le doigté, ils l'utilisent à sa place aussi. يقول السؤال السادس عشر يقول السائل إذا سمعت كلام العالم في شريط أو قرأت له في كتاب عن شخص ما أنه مبتدع ولم أرى له دليلا على ذلك فهل يلزمني أن أحذر من هذا الشخص وأن أقتنع بأنه مبتدع أم أتريت حتى أجد الدليل على ذلك؟ Maintenant avec la 16e question nous passons à la dernière partie de ces trois épîtres. Et la dernière partie, ceux qui l'ont réuni, l'ont intitulé « Fiqh al-ta'amul ma'a al-sunnah wa al-batil » La compréhension ou la jurisprudence du comportement à avoir avec les gens de la sunna et les gens du faux. Et la 16e question dit « Quand j'écoute la parole d'un homme de science dans un audio, ou je lis à cet homme de science dans un livre, comme quoi il a dit de quelqu'un qu'il est innovateur. Et je n'ai pas vu de preuve concernant le fait de l'avoir rendu innovateur. Est-ce qu'il m'est obligatoire d'avertir contre cette personne? Et d'être convaincu aussi qu'il est innovateur. Ou je dois attendre un petit peu jusqu'à ce que je trouve la preuve sur ceci. Cheikh, après hein, la louange à Allah, et après la prière sur le prophète alayhi salam, il dit أما بعد فإن أهل السنة لا يحكمون على أحد ببدعة إلا وقد خبروه وصبروا ما عنده تماما وعرفوا منهجه تماما جملة وتفصيلا ومن هنا هذه المسألة تستدعي منا وقفتين. الشيخ دودير après les louanges à Allah et la prière sur le prophète alayhi salam et après les gens de la sunna ne jugent pas quelqu'un et n'y mettent pas la sentence de l'innovation sur quelqu'un avant de l'avoir connu, d'avoir su sa situation complètement, avant d'avoir su c'est quoi son manège complètement, en détail et en globalement et en détail. Et il dit partant de là, cette question applique de nos deux haltes. Al-Waqfatul Oula في من حكم عليه عالم أو علماء بأنه مبتدع ولم يختلف معهم غيرهم ممن هم أهل سنة مثلهم تفطنوا أقول لم يختلف معهم غيرهم فيه ممن هم أهل سنة فإنا نقبل جرحهم له فإنا نقبل قولهم ونحذره ما دام أنه حكم عليه وجرحه عالم سني ولم يظهر بقية أهل السنة الذين هم أقران هذا العالم من إخوانه وأبنائه العلماء فلا بد من قبوله، لأن هذا العالم السني الذي جرح رجلا فإنه لم يجرح إلا بأمر بان له وقام عنده عليه الدليل، لأن هذا من دين الله، والذي يجرح أو يعدل يعلم أنه مسؤول عما يقول ويفتي به أو يحكم به، ويعلم أنه مسؤول من الله عز وجل قبل أن يسأله الخلق. La première halte du Cheikh حفظه الله تعالى concerne la personne que un homme de science ou plusieurs hommes de science ont décrété qu'il est innovateur. Et personne n'est en divergence avec eux parmi les gens de la Sunna qui sont communs. Et Cheikh de nous dire, éveillez-vous, soyez présents. Il dit, personne n'est en divergence avec eux parmi les gens de la Sunna, c'est-à-dire il n'y a aucun homme de la Sunna qui est en divergence avec eux sur ce jarh. Et dans ces cas-là, on accepte leur jarh. Et on accepte leurs paroles. Et on fait attention à cet homme. Tant que c'est un homme de science sunni qui l'a refuté et qui l'a jarh. Et que les autres deux hommes de la Sunna n'ont rien montré. Les hommes de la Sunna qui sont de la même génération que cet homme de science, qui sont ses frères, qui sont ses enfants parmi les hommes de science. Et dans ces cas-là, il est obligatoire d'accepter. Car cet homme de science qui a aimé ce jarh, il l'a aimé ce jarh parce qu'il a les preuves. Son jarh est accompli sur des preuves. Car ceci fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui refute et qui fait le jarh, ou là qui fait l'éloge, il sait qu'il va lui être posé des questions. Hein? Et le verdict qu'il a dit, ou la sentence qu'il a dit, il va où? Hein? Le jugement qu'il a aimé, il sera questionné par Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il soit questionné par les gens. Et ceci, l'homme de science, il le sait, akhal islam. يقول الوقفة الثانية إذا كان هذا الشخص الذي جرحه عالم أو علماء وحكموا عليه بما يسقطه ويوجب الحذر منه قد خالفهم غيرهم فحكموا بعدالته وأنه على السنة أو غير ذلك من الأحكام المخالفة لأحكام الآخرين المجرحين له، فما دام أن هؤلاء على السنة وهؤلاء على السنة وكلهم أهل ثقة عندنا وذو أمانة عندنا، ففي هذه الحال ننظر في الدليل. Il dit la deuxième halte de cette personne qui a été refutée et jarhée par un homme de science ou plusieurs hommes de science. Et ils ont émis la sentence, hein? Et ils l'ont fait tomber. Et ils ont émis, ramené des paroles pour faire attention à cet homme et de s'éloigner de lui. Et qu'il y a d'autres hommes de science qui sont en divergence avec lui, qui ont décrété qu'il est bon, ou qu'il est sur la sunna, autres parmi les jugements qui sont en divergence avec ceux qui ont émis le jarh. Dans ces cas-là, si ceux qui ont aimé le jarh et ceux qui ont aimé l'éloge sont des gens de la sunna, ils sont des gens de confiance chez nous, des cheikhs et des gens dignes de confiance, dans ces cas-là, on regarde la situation. On garde les preuves. Dans ces cas-là, on regarde les preuves. يقول الشيخ ولهذا قالوا éveillez-vous frères en Allah Azza wa Jal. C'est très important, c'est ce qui se trame autour de nous, c'est parce qu'on ne comprend pas ce genre de paroles, c'est pour ça qu'on tombe. Mais il est bien, il y a certains qui ont dit qu'il est bien. Écoute akhal islam pour enlever tes ambiguïtés. ولهذا قالوا من علم حجة على من لم يعلم. C'est pour ça qu'ils ont dit qui? Les hommes de science dignes du nom. Celui qui sait est une preuve contre celui qui ne sait pas. فالجارح قال في فلان من الناس إنه مبتدع منحرف زائغ وأتى بالأدلة من كتب المجروح أو من أشرطته أو من نقل الثقات عنه، فهذا موجب علينا قبول قوله وترك المعدلين الذين خالفوا من جرحه. إيه؟ Il dit حفظه الله تعالى. Et ce passage, captez-le bien. Il dit celui qui sait est une preuve contre celui qui ne sait pas. Est une preuve devant celui qui ne sait pas. Car celui qui a aimé le jarh, qui a dit de telle personne, celui-là est un innovateur, celui-là est un égaré. Et il a ramené les preuves qu'il a pris des livres de celui qui a été mjrouh, que ce soit, il a ramené de quoi le jrah dans ses livres ou dans ses, ou de ses cassettes où les dînes lui ont rapporté. Il dit, il est obligatoire pour nous d'accepter dans ces cas-là sa parole. C'est-à-dire la parole de celui qui a aimé le jrah. Et de mettre de côté la parole de ceux qui ont aimé l'éloge et qui sont en divergence avec celui qui a aimé le jrah. Vous comprenez cette règle ? يقول لأن هؤلاء المجرحين له أتوا بأدلة خفية على الآخرين لسبب من الأسباب. Il dit parce que ceux qui ont aimé le jarh, ils ont ramené des preuves qui ne sont pas claires ou qui n'ont pas apparu à ceux, aux autres, pour une des raisons. يقول حفظه الله أو أن المعدل لم يقرأ ولم يسمع عن ذلك المجرح. Il dit, ou alors celui qui a aimé l'éloge, il n'a pas lu, il n'a pas entendu quelque chose de celui qui a été مجروح. يقول وإنما بنى على سابق علمه به وسابق معرفته به وأنه كان على السنة. Et il dit, être aussi tout simplement celui qui a aimé l'éloge, il a construit, basé cet éloge sur ce qu'il connaissait d'avant de cette personne et que avant il était sur la sunna. فأصبح هذا المجروح الذي يقيم الدليل على جرحه مجروحا والحجة مع من أقام الدليل. Et dans ces cas-là, celui qui a reçu ce jarh et les preuves sont accomplies pour son jarh, il est مجروح. Et la preuve est avec celui qui a accompli, la preuve est avec celui qui l'a jarah ou ramenant ses preuves. Et de toute façon, celui qui cherche la vérité doit suivre les preuves. Et écoute bien ce qu'il te dit, cher ici. Et tout un chacun, et nous ne devons pas chercher à droite ni à gauche, ni les petits sentiers battus, etc. Ni aller à droite ni à gauche. Ou de dire, moi, je veux attendre jusqu'à ce que je vois les preuves moi-même. Ou que je vois pourquoi il a été mjrouh moi-même. Ceci, cher de nous dire, ne fait pas partie de la voie d'Yel Salaf. On ne le connaît pas de nos plusieurs d'Allah Alim. Yaqul, wa hadi al-umur takounu fi ma la yasughu fi l'ijtihad fi usul al-aqa'id wa usul al-ibadat. Fa inna al-masira ila qabul man aqama al-dalil wajib al-hatmi. Il dit, ces choses s'accomplissent en ce qui concerne les sujets où il n'y a pas lieu à l'effort d'interprétation. En ce qui concerne les fondements des croyances, les fondements des adorations, là, il est obligatoire d'accepter les preuves qui ont été accomplies par celui qui les a ramenées. Il dit, « وذلك العالم السني الذي خالف الجارحين له عذره يبقى على مكانته عندنا وعلى حرمته عندنا ونستشعر أنه لنا أنه له إن شاء الله ما كان عليه من سابقة الفضل وجلالة القدر هذا وسعه والعالم من أهل السنة السلفي بشر يذهل ينسى يكون عرضة للتلبيس من بطانة سيئة أو كان قد وثق بذلك الرجل المجروح فلبس عليه. Il dit, حفظه الله تعالى, et ceci est très important, et c'est homme de science qui est en divergence avec ceux qui ont aimé le jarh, il a son excuse. Il reste, sa place reste, son honneur reste, il est comme nous, et il a sa place parmi nous, et il a toujours ses vertus, et sa place, et c'est sa science l'a ramené là, ou sa connaissance l'a ramené là. Et l'homme de science, c'est la vie, c'est un être humain, il oublie, hein, et des moments, il a l'esprit ailleurs, et des fois, il est exposé au fait qu'on lui déguise les situations, qu'il y a un mauvais entourage autour de lui, ou des gens du mal, qui viennent s'immiscer pour lui donner des fausses images, etc. Hein? Et, je dis pas un mauvais entourage parce que les hommes de science n'ont pas de mauvais entourage, mais je dis, il y a des fois des gens qui, hein, vient, qui déguise la situation. Il se rapproche du cheikh jusqu'à déguiser certaines situations pour cheikh, concernant certaines personnes, ou certains groupes, etc., etc. Hein? Et, ou alors, tout simplement, cet homme de science, il avait confiance en cet homme, que cet homme, qui est mjrouh, ou qu'il a été jrah, a lié une relation avec lui, hein, et il lui a déguisé la situation. Ça, ce sont les causes qui peuvent amener un homme de science à être en divergence avec ceux qui ont jrah. يقول والشواهد على هذا كثيرة فكثير من السقط والذين هم في الحقيقة حرب على السنة وأهلها يأتون بنماذج من كتبهم يقرؤون على علماء أجلة مشهود لهم بالفضل والإمامة في الدين ويخفي ذلك اللعاب الماكر عن ذلكم العالم الجليل الإمام الفد الجهبد ما لو علمه لسقط عنده. Il dit les témoignages sont nombreux, beaucoup parmi ceux qui sont tombés, hein, ou qui méritent d'être tombés en réalité, et qui sont une guerre contre la sunna et les gens de la sunna, ils ramènent des exemples de leurs livres, ils lisent certains passages de leurs livres aux nobles hommes de science, qui sont reconnus, et qui ont l'imama dans la religion, etc. Et ce joueur, ce feinteur, il cache des choses à cette éminence de science, et il lui cache des choses, si l'homme de science le sait, il va le faire tomber. يقول فهذا العالم يزكي بناء على ما سمع. Et cet homme de science, il va donner l'éloge, hein, selon ce qu'il a entendu. فإذا طبع الكتاب وانتشر وتناقلت الأيدي وذاع صيحته وإذا بالمجادلين يقول زكاه فلان الألباني رحمه الله أو ابن باز رحمه الله أو ابن عثيمين رحمه الله زكى هذا الكتاب فهؤلاء العلماء رحمة الله عليهم معذورون ومن التبعة سالمون إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة وإنما هذا لعاب أخفى ولبس على ذلك العالم. Il dit, et donc l'homme de science, il va faire l'éloge selon ce qu'il a entendu. Et quand le livre, et si on lui a lu un passage du livre, etc., et quand le livre va être édité et propagé, il va être entre les mains des gens, il va être réputé, etc. Dont les polémiqueurs vont dire ce livre que telle personne a reçu l'éloge de l'imam al-Albani, de l'imam Dubaz, de l'Ibn Uthaymin, etc., et qu'ils ont fait l'éloge à son livre, à ce livre. Et ces hommes de science, que Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde, ils ont leur excuse. Ils n'ont rien à se reprocher, inshallah, que ce soit dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mais celui-là, c'est un feinteur. Il a caché la réalité, il a déguisé la situation devant ces hommes de science. إذا ماذا بقي نقيم على ذلك الملبس اللعاب الدساس الماكر من كتبه نقيم عليه البينة من كتبه ومن جادلنا فيه نقول خذ هذا هو قوله هذا قوله هل تظن أنه عرضة عرضه بهذه الصورة على من سمينا من أهل العلم ومن هو على نفس النهج فأقره فالجواب كلا. Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, nous allons accomplir dans ces cas-là les preuves contre ce feinteur, ce déguiseur de situation, de ces livres. Nous allons ramener les preuves de ces livres et ceux qui polémiquent avec nous autour de cette personne, on lui donne, prends, regarde ses écrits, regarde ses paroles, est-ce que tu crois que s'il avait montré cette image aux hommes de science que nous avons cités, ils vont le confirmer sur cette voie? La réponse est non. إذن يجب عليك أن تكون منصفا متجردا من العاطفة الجياشة المندفعة ومن الهوى الذي يعمي ويجب عليك أن تكون طلبتك الحق. الشيخ pour terminer cette question de nous dire, il est obligatoire pour toi que tu sois équitable, que tu te dépouilles de toute forme de sentiment, que tu ne sois pas attiré par, que tu ne sois pas excité par les sentiments et que tu aies cet enthousiasme qui te pousse en avant, hein, et que tu sois dépouillé de toute forme de passion qui aveugle, il est obligatoire pour toi de chercher, de demander la vérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons des gens qui cherchent la vérité. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.